Les amours du chevalier de Faublas par Louvet de Couvray. Troisième partie, chapitre 20e. Il était à peu près 8 heures du matin quand Madame Leblanc me fit endosser un large habit noir qu'elle venait de choisir dans la garde-robe de son mari. Avant de terminer le parti qui me restait à prendre, il était bon de faire dire à Monsieur de Valbrun quel asile ma bonne fortune m'avait offert. La commission était délicate. Coralie voulut bien s'en charger, mais il n'y avait pas 5 minutes qu'elle était partie quand je la vis revenir. Elle entra brusquement, poussa la porte, mit les verrous, et d'un air effrayé m'apprit que, prête à sortir, elle avait entendu dans la rue la voix de plusieurs hommes attroupés. L'un d'eux, en prenant le marteau de la porte cochère, avait dit « Cette religieuse ne peut être loin. Il faut faire perquisition dans les maisons voisines. Vous, courez chercher le commissaire Chénon. Toi, Griffard, garde le milieu de la rue. » Et ces messieurs vont entrer ici avec moi. Nous n'avons pas besoin de permission parce que c'est une maison publique. » Coralie, en me donnant cette fâcheuse nouvelle, m'avait conduit vers un escalier dérobé. « Chevalier, me dit-elle alors, tu ne peux t'en aller par la cour parce que les suppôts de la police y sont déjà. » « Ils y sont, Coralie ?»« Oui, mon ami. » Tout en donnant ses ordres, l'exempt a frappé. Mon portier a tiré le cordon. Je n'ai eu que le temps de voler ici pour t'avertir du péril. « Mais par où donc leur échapperai-je ? » ?»« Par là, Faublas. Monte tout au haut de ce petit escalier, grimpe sur le toit, et je t'en supplie, prends garde de te casser le col. » »« N'aie pas peur. » Aussitôt je m'élance, je monte, j'arrive aux mansardes. Je passe par la fenêtre, je saute sur une gouttière, je redescends dans la rue. Mais à peine avais-je fait 20 pas que plusieurs hommes me suivaient déjà. L'un d'entre eux surtout m'épouvanta d'abord d'un coup d'œil scrutateur. Puis, d'un air tantôt irrésolu, tantôt décidé, reportant alternativement son louche regard sur ma figure pâlie et sur les basses figures de ses vils compagnons, il sembla plusieurs fois les consulter et plusieurs fois aussi leur dire « C'est lui ». Je vis le moment où j'étais pris. Persuadé que je ne pouvais échapper au danger qu'en payant d'audace, j'assurai promptement mon maintien et ma mémoire m'ayant à propos servi, je répétai à haute voix le nom que m'avait dit Madame Leblanc. « Griffard ! » m'écriai-je. Le vilain monsieur qui m'inquiétait, c'était justement ce monsieur. « Qu'est-ce qu'il y a ? » me dit-il. « Comment ? Tu ne me connais pas ? » ?»« Je sais pas encore. »« Et vous, messieurs ?»« Pis qui ne sait pas lui, nous ne savons pas y tout. » Alors je pris noblement un air dédaigneux. Par-dessus mon épaule, je passai toute la troupe en revue. Je toisai le chef de la tête aux pieds. Enfin, je laissai tomber de ma bouche ces mots. « Quoi ? « Mes beaux messieurs, vous ne connaissez pas le fils du commissaire Chénon ?» À ce nom vénéré, vous eussiez vu tous mes coquins saisis de respect, soudain mettre bas chapeau de laine ou bonnet de coton, d'une façon gentille empoigner leur toupet, subtilement rejeter leur pied droit en arrière et me faire ainsi, avec de très humbles excuses, la révérence de cérémonie. D'un signe de tête, je témoignais que j'étais content et, m'adressant à Griffard, « Eh bien, mon brave, y a-t-il quelque chose de nouveau ?» « Pas encore, notre maître, mais il y a gros que ça ne tardera pas. Je crois que nous l'avons reluquée sur le toit, la bonne fille. Faudra bien qu'elle en dégringole. Elle a pris les habits de son sesque, mais c'est égal. Je dis quoi que ça qu'elle ne gourera pas, Griffard. » « Et si elle se présente au bout de la rue ?»« Ah, je dis, on la gobe. Bras de fer l'allume avec les enfants perdus. Et de ce côté-là ?»« Tout de même, pour changer. Trouve tout balentif avec les lurons. »« Avec les lurons ?» « Tenez, mes enfants, allez déjeuner au cabaret. » Tous ces gens-là s'épuisèrent en remerciements plus grossiers qu'énergiques, et je trouvais leurs gestes aussi dégoûtants que ridicules, et leur joie m'attristait, elle était ignoble comme eux. Dès qu'ils m'eurent quitté, je m'interrogeais moi-même. D'un côté, bras de fer avec les enfants perdus, de l'autre, trouve-tout et les lurons. Oserais-je y aller? M'exposerais-je à un second examen? J'ai peur. Cette prétendue religieuse qu'ils poursuivent a, disent-ils, pris des habits d'homme. Si je pouvais me déguiser en femme. Je ne sais, mais bras de fer et trouve-tout m'épouvantent. Ah, qu'est-ce donc que cette engageante demoiselle qui, de la fenêtre du second étage, appelle poliment tous ceux qui passent? Allons-y, peut-être qu'avec de l'argent. Allons-y, nous verrons. Toujours serai-je le maître, si je ne puis faire mieux, d'aller au bout de la rue présenter au luron le fils du commissaire. « Allons, montons. C'est mauvaise compagnie, Faublas. Mais, ma foi, sauf qui peut. » J'entrai de plein seau chez la pauvre fille qui avait laissé sa porte entrebâillée. Elle vit ma robe noire et crut voir le diable. Le cri perçant qu'elle poussa dut être entendu de toutes les pratiques qu'elle avait dans le voisinage. Moi, qui ne me souciais point de me mettre sur les bras la foule des amants de cette moderne Aspasie, je me hâtais, pour la rassurer, de me dépouiller de la robe ennemie. Sa crainte mortelle se dissipa dès qu'elle m'entendit protester que je n'étais pas monsieur le commissaire. Ce fut bien autre chose quand elle me vit tirer de ma bourse un double louis. Le plus doux espoir brilla sur sa figure entièrement rassérénée. « Mademoiselle, ces deux louis sont à toi. » « Je le veux bien, » interrompit-elle, et plus prompte que l'éclair, elle courut à sa porte qu'elle ferma. À sa fenêtre, sur laquelle elle étendit une toile vermoulue que des gens moins difficiles appelleraient un rideau. À son alcôve, « Venez, venez donc, fille trop complaisante et trop vive. Si vous aviez voulu m'entendre jusqu'à la fin, vous vous seriez épargné d'inutiles démonstrations qui doivent coûter à votre amour-propre autant qu'à votre pudeur. En vérité, mon enfant, tu as mal interprété mes intentions. » Pour les deux louis que je t'offre, je demande seulement que tu me fournisses des vêtements de femme et que tu m'aides à m'habiller. « Je le veux bien, » répondit-elle. « Cela est charmant. Tu veux tout ce qu'on veut, toi. Dame, il faut bien faire son état. Et que me donnes-tu là ? Un jupon prétendu blanc, plein de crottes du haut en bas. C'est que l'autre jour je suis revenu de chez Nicolet par un mauvais temps. Et ce caraco tout déchiré ? Je l'ai rangé comme ça lundi dernier, en rossant un clerc de procureur qui ne voulait pas me payer. Et ce fichu tout sale, c'est un vieux moine qui me l'a chiffonné. Et cette baigneuse, toute roussie, c'est que mon amoureux, dans un accès de jalousie, l'avait jetée au feu. Allons, mademoiselle, reprenez vos guenilles, je n'en veux pas. Tiens, mon enfant, donne-moi tes meilleures nippes, je les paierai ce que tu les estimeras. Les deux louis sont pour le secret. Voilà qui est parlé. Foi d'honnête homme, Fanchette va vous donner ce qu'elle a de plus brillant, son ajustement du Panthéon. Tenez, je vous le céderai au prix coûtant, 4 louis. Et par-dessus le marché, vous aurez encore ce grand chapeau noir avec son panache, et puis les preuves de mon amitié, si vous voulez, parce que vous êtes bien gentil. Pour la robe et le chapeau, volontiers, bien obligé du reste. Il me manquait encore une chemise. Fanchette eut beaucoup de peine à me la fournir médiocrement bonne. Elle eut beaucoup de peine à ne pas outrager ma timide pudeur en me la passant. La robe qu'elle me mit ensuite m'allait aussi bien que si on l'eût faite pour moi. « Comme cet habit vous sied, » disait Fanchette. « En vérité, » reprit-elle après un moment de réflexion, « je ne demande pas mieux, car tu es bien le plus joli homme que j'ai jamais vu des deux yeux. » Et si je ne m'étais pas hâté d'y mettre ordre, elle allait m'embrasser très indécemment. « Non, mademoiselle, non, » vous dis-je. « Tiens, Fanchette, voilà 6 louis que je te dois. Fais-moi le plaisir d'aller chercher un fiacre et de me l'amener. Tu m'accompagneras dedans jusqu'à la porte du Luxembourg. En te quittant là, je te donnerai encore quelques petits écus pour la course. Mais dépêche-toi surtout et garde-toi bien de dire un mot à personne. Je vous le promets. Je vous aime parce que... Bah, Fanchette, bah, vite !» Il n'y avait pas 5 minutes qu'elle était partie quand j'entendis la clé tourner dans la serrure. Jugez de ma surprise et de mon effroi, lorsque la porte s'étant ouverte, je vis entrer un inconnu qui, non moins familier que s'il eût été chez lui, me dit bonjour sans me regarder et jeta sur le lit sa canne et son chapeau. Je m'aperçus que ses jambes chancelantes le portaient de travers, qu'il faisait fréquemment des tours sur lui-même, qu'il accrochait les meubles et battait les murs. Sa bouche s'ouvrait avec effort, sa langue articulait à peine, ses dents étaient mêlées. Il prit une chaise et s'assit à côté, puis, en se relevant, il se fit à lui-même, après quelques jurements préparatoires, cette judicieuse remarque. « Je me suis trompé. » Il ajouta. « Fanchette, je suis sûr que t'as été inquiète de ce que je ne suis pas revenu cette nuit avant ce matin. T'as enragé de ça comme de juste. Ah, s'il y avait un monde à cet hôtel d'Angleterre, qui est plaisir dans cet endroit-là. Il y a des personnes qui s'y ruinent. Avec un agrément, c'est charmant de les voir. Mais ceux qui sont contents. Enfin, il n'y a pas une querelle, juge. Excepté un qui en a tué un autre, mais v'là tout. » À ces mots, il se leva pour venir droit à moi. Mais sans le vouloir, il prit à gauche et se jeta sur la croisée dont il brisa quelques vitres. Après bien des détours, il parvint jusqu'à moi et pendant quelques secondes il me regarda sous le nez, d'un air qui m'aurait beaucoup amusé si j'avais eu moins d'inquiétude. « C'est moi, » reprit-il enfin. « C'est toi. » « Voilà bien ta chambre, cette belle robe. Mais je suis gris. Oh, ça, je suis gris. T'as les yeux noirs et je les vois bleus. T'es blonde et tu me sembles brune. T'es petite et je te trouve grande. Oh, ça, je suis dedans, c'est clair. Mais quoi que ça, je te veux persuader que t'es gentil et que je suis ton amoureux. » Il s'approcha, je reculais. Il me suivit, je le repoussai. Il me retint, je fis un geste menaçant. Il me donna un coup de poing, je lui en rendis deux. Il se jeta sur mon panache, je le saisis par les cheveux. Sa chute entraîna la mienne. Le chevalier de Faublas, étendu sur le plancher, roula dans la poussière avec le vilain ment d'une fille publique. Ce qui faillit à rétablir en faveur de mon adversaire l'inégalité de cet indigne combat, c'est que je n'étais pas commandément vêtu pour faire le coup de poing. Cependant, la victoire n'aurait pu longtemps balancer incertaine, parce qu'il y avait, dans notre manière d'escrimer, cette différence tout avantageuse pour moi, que, sans dire un seul mot, je tâchais de parer avant de riposter, au lieu que le vilain, jurant comme un cocher, négligeait la parade et ne cherchait qu'à me frapper et à me retenir. On juge donc que le plus braillard n'était pas le moins maltraité. Mais avant que je fusse parvenu à me dégager, les voisins accoururent au bruit qu'ils faisaient. Charmés de trouver cette occasion de se débarrasser de leurs odieux locataires, ils commencèrent par nous charger d'imprécations et de coups. Ensuite, ils nous séparèrent, nous descendirent et nous livrèrent à la garde que l'un d'entre eux avait été chercher. Deux soldats mirent les menottes à mon camarade, deux soldats me donnèrent la main, le peuple me hua, les enfants me suivirent. Au bout de la rue, je passai triomphante au milieu des lurons qui n'attendaient pas, sous ces pompes habits et dans cet honorable cortège, leur prétendue religieuse en homme travesti. Mais combien de rues nous courâmes à pied ? Que de boue, en chemin ramassé, souilla le bel habit de Panthéon ? Que de grossiers propos j'entendis sur ma route ? Avec quelle brutalité me traînèrent mes inciviles conducteurs ? Ah, pauvre fille, Dieu vous préserve de la garde de Paris. Dieu vous préserve aussi du commissaire. Un juge de paix, tranché du magistrat, se donner les airs de condamné sans entendre. Un pesant caporal, comptant le fait qu'il ignorait, ses soldats testèrent ce qu'ils n'avaient point vu. Plusieurs témoins crièrent que j'étais femme publique et que je rossais mes amis. Le clerc expéditif, comprenant peu de choses, mais écrivant tout, ferma le procès-verbal avant même qu'on eût daigné s'informer si nous n'avions pas quelques moyens de défense. Et tout à coup, du tribunal despotique de l'orgueilleux bourgeois, émana cet arrêt sans appel. Le garnement à l'hôtel de la Force, la fille à Saint-Martin.